The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Sky. Le ciel. Clear. Dégagé. Cloud. Le nuage. Storm. L'orage. Hail. La grêle. High pressure area. L'anticyclone. Winds. Le vent. Clearly. Nettement. Sudden downpour. La giboulée. Frost. Le verglas. Temperature. La température. Average. La moyenne. Now, a bit faster. Storm. L'orage. Wind. Le vent. Average. La moyenne. Wind. Le vent. Clearly. Nettement. Cloud. Le nuage. High pressure area. L'anticyclone. Sky. Le ciel. Clearly. Nettement. Temperature. La température. Hail. La grêle. Sudden downpour. La giboulée. Clear. Dégagé. Sky. Le ciel. Temperature. La température. Clearly. Nettement. High pressure area. L'anticyclone. Cloud. Le nuage. Average. La moyenne. Temperature. La température. Winds. Le vent. High pressure area. L'anticyclone. Winds. Le vent. Now, use the words in context. Dégagé. The sky is clear this afternoon. Le ciel est dégagé cet après-midi. La grêle. Some hail fell in the region. De la grêle est tombée dans la région. L'anticyclone. The high pressure zone brought beautiful weather. L'anticyclone a apporté du beau temps. Nettement. It is noticeably nicer today. Il fait nettement meilleur aujourd'hui. Le verglas. The road is covered with ice. La route est recouverte de verglas. La grêle. Some hail fell in the region. De la grêle est tombée dans la région. Nettement. It is noticeably nicer today. Il fait nettement meilleur aujourd'hui.